essayé plusieurs fois de le lire et le livre m'est toujours tombé les mains parce que ça me choquait non seulement dans mes idées chrétiennes, n'est-ce pas, mais dans mes idées que j'appellerais philosophiques. J'ai toujours eu le dégoût des fous et des passionnés et des excités. Alors ce bonhomme, qui certainement n'était pas en possession de ses idées ou de son jugement, me remplissait de dégoût. J'ai laissé toujours tomber ce livre, il était illisible pour moi. Si l'injonction à réussir est insupportable, l'injonction à rebondir après des échecs l'est peut-être encore plus. Et si je ne parvenais pas à m'en remettre? Et si je n'en faisais rien? Et si je ratais même mes échecs? Heureusement pour nous, il existe au moins un philosophe qui a su faire de ses erreurs, de ses illusions, de ses coups durs et de son isolement une étape nécessaire pour s'élever au-dessus de la mêlée. Et qui a préféré cette vie malade à une existence passée à croupir dans le bonheur. Aujourd'hui, Nietzsche ou comment l'échec nous rend plus forts. J'ai les hanches qui se démanchent, l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum, c'est tout comme, j'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse. Et du magnésium, non? Ouf, oui, vous pouvez en prendre, je vais vous en mettre. Et pour cette histoire de tension un peu basse, qu'est-ce qu'on fait alors? Oui, elle est un peu basse, je vais vous mettre des vitamines. Dites, vous êtes vacciné contre l'hépatite B? Ah non. Et l'hépatite B, c'est terrible, l'hépatite B. Ouf, c'est tout ou rien. On ne peut pas prévoir. C'est la loterie, l'hépatite B. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je sais pas si vous vous souvenez, mais la dernière fois qu'on s'est vu, vous m'aviez donné une cure de Stimusil. Je vais vous en mettre. Alors le glitanox, attention, hein. Il y a des petits effets secondaires. Pas toujours, mais ça peut arriver, hein. Alors là, vous arrêtez tout de suite, évidemment. Quel genre d'effets secondaires? Ouf, des rougeurs, des bouffées de chaleur, des picotements. Ah mais j'en ai tout le temps, moi, des bouffées de chaleur, des rougeurs, des picotements, alors ça, c'est... Ah, voilà, ça me le fait, là. J'ai mal dans la poitrine, j'arrive plus à respirer. Mais j'ai pensé à la tuberculose, moi, c'est ridicule. Ridicule. Bonjour Yanis Constantinides. Bonjour Géraldine. Vous êtes professeur de philosophie à l'école Boulle et d'éthique appliquée à l'espace éthique IDF Paris 11. Vous intervenez également dans la formation d'humanité médicale de Paris 3. Vous êtes l'auteur notamment du nouveau culte du corps dans les pas de Nietzsche qui est paru aux éditions Bourrin, mais aussi de Nietzsche l'éveillé, illustré par Damien McDonald aux éditions Ollendorf et Dessin, alors qu'on peut retrouver, j'imagine, en allant peut-être sur des sites, parce que la maison d'édition n'existe plus, mais on peut essayer de se le procurer peut-être ailleurs par d'autres moyen. Bon, on a entendu cet extrait assez drôle du film d'Alain René, On connaît la chanson. Nietzsche a lui aussi cette image de philosophe torturé, malade, dément. C'est beaucoup moins riant que le film de René, on doit dire quand même. Oui, c'est un destin tout à fait malheureux, pitoyable même, je dirais, où effectivement il s'est détaché de tout. Et il a payé ce détachement, qu'il pensait vital pour sa pensée, par un isolement extraordinaire. Donc plusieurs coups durs, on doit le dire quand même. Donc il y a la maladie, il y a effectivement le fait de s'isoler, qui n'est pas que le fait de sa maladie, mais aussi en fait le fait de rupture avec sa famille, avec sa sœur, qui se marie quand même avec un antisémite, avec Lou, Andrea, Salomé et Paul Rey, avec qui à un moment donné il a formé un trio éphémère, mais néanmoins quand même une relation à trois. Il s'est embrouillé avec Wagner, il a critiqué Schopenhauer. Donc un certain nombre de coups durs, plus ou moins volontaires et plus ou moins subis. Voilà, on peut même parler d'échecs, puisque c'est le thème de l'émission. Beaucoup d'échecs personnels, alors des succès d'abord, plus jeune professeur de philologie à Bâle, à l'université de Bâle en Suisse, mais il aurait voulu passer en philosophie, il n'a pas réussi. Et pourquoi il n'a pas réussi? Bon, c'est des questions universitaires, c'est complexe comme toujours. On n'a pas toujours les postes qu'on souhaite, parce que le passage se faisait pas, je pense, facilement à l'époque. Et puis il avait cette étiquette de spécialiste de grec de latin, donc pas de philosophe. Oui, on devient pas prof de lettres anciennes et puis tout à coup prof de philosophie du jour au lendemain, même aujourd'hui, c'est vrai. Ça devrait être possible, puisque beaucoup de connaisseurs du grec feraient de très bons professeurs de philosophie antique, et beaucoup de philosophes antiques gagneraient à connaître mieux le grec. Mais voilà, c'est vrai que c'était quand même des niches universitaires. Il a eu très tôt ce poste, qui était très prometteur pour ses enseignants, mais il n'a pas pu effectivement avoir le poste souhaité. Après, il s'est arrêté au bout de 10 ans. Donc échec universitaire quand même, sa carrière s'arrête net. Bon, il vit d'une toute petite rente. Échec romantique, vous l'avez dit, divers, hein, pas seulement Lou André Salomé, mais beaucoup de propositions de mariage mal préparées ou avortées, avec des femmes qui comprennent pas trop ce qu'il leur demande. Voilà. Ah, donc c'est lui qui proposait, qui faisait des demandes en mariage et elles étaient toutes refusées. Voilà, la plus connue bien sûr, c'est celle à Lou Andreas qui écrit une lettre d'ailleurs. Heureusement il l'a pas lu, parce que c'est elle a pitié de lui littéralement. Donc plusieurs échecs, vous l'avez dit. Est-ce qu'on peut dire que ces échecs biographiques ont nourri sa philosophie et ont fait de Nietzsche peut-être le penseur de l'échec? Alors comme vous l'avez dit en entrée de l'émission, dans le texte qui débute l'émission, il faut se garder de reprendre ce thème du développement personnel. Vous savez que l'échec nous rend plus fort et que l'échec nous permet de réussir ultimement, parce que l'échec reste quelque chose à digérer, quelque chose qui nous remet en cause. Mais je dirais qu'il voit pas forcément ça comme des échecs, mais plutôt des renoncements volontaires. Voilà, quand il quitte Wagner, il va à Bayreuth, il assiste au festival, il est consterné, voilà, il est consterné parce qu'est devenu Wagner, donc il le quitte sans dire un mot, sans s'expliquer. Ça, c'est typique de Nietzsche aussi, c'est-à-dire qu'il part sans rien dire, et ensuite il s'explique dans ses écrits. Il a attendu la mort de Wagner, d'ailleurs, pour réagir à cette amitié qui a mal tourné. Mais alors, ce qui est un peu bizarre, c'est que Nietzsche, en fait, se rend compte qu'il a commis des erreurs, qu'il s'est trompé, et en fait, va le régler à travers ses œuvres. Est-ce que ça va jusqu'à constituer une véritable philosophie, une pensée de l'échec, c'est-à-dire une problématisation de l'échec? Est-ce que c'est véritablement un mauvais moment? Est-ce que c'est un moment dans une forme de dialectique? Est-ce qu'on sort de l'échec? Est-ce qu'il a produit une pensée de ce type? Alors, pas une philosophie de l'échec constituée, mais effectivement, vous avez raison, les échecs apparaissent finalement comme des étapes dans le fait de devenir soi-même, de devenir ce que l'on est. C'est finalement, si on réussit trop tôt, si la réussite est trop classique, je dirais routinière, par exemple, on obtient le travail souhaité, on épouse la femme qu'on aime, etc. Voilà. Est-ce que c'est une véritable réussite d'un point de vue plus profond? Voilà. Et on en reparlera sans doute, mais je pensais à l'éternel retour du même, la fameuse doctrine souvent mal comprise de Nietzsche. L'éternel retour du même, si on le voit de notre angle de l'échec aujourd'hui, c'est dire oui aux échecs de sa vie. C'est-à-dire, rétrospectivement, approuver toute sa vie, y compris les moments les plus durs, les plus tristes, les deuils, etc., mais aussi les échecs. Donc, être prêt à revivre les échecs. Du coup, l'échec n'est plus, voyez, vu comme justement simplement une étape à surmonter, mais l'échec est vu comme ayant une nécessité. L'échec a sa place dans le destin. Tous les agencements de l'homme ne sont-ils pas ordonnés pour que dans une distraction constante des pensées, la vie ne soit pas sentie? Pourquoi le grand homme veut-il si fort le contraire, c'est-à-dire justement sentir la vie, c'est-à-dire souffrir de la vie? Parce qu'il remarque qu'on veut le tromper sur lui-même et qu'il existe une sorte de consensus pour le tirer hors de sa propre caverne. Alors il se rebiffe, dresse l'oreille et décide « je veux rester mien ». Résolution terrible. Il ne le comprend que peu à peu, car il lui faut maintenant plonger dans les profondeurs de l'existence, avec sur les lèvres une série de questions insolites. Pourquoi est-ce que je vis? Quelles leçons dois-je apprendre de la vie? comment suis-je devenu ce que je suis? Et pourquoi faut-il que je souffre d'être ainsi? Il se tourmente et il voit que personne ne se tourmente ainsi. Combien, au contraire, les mains de ses contemporains se tendent avec passion vers les événements fantastiques du théâtre politique. À moins qu'eux-mêmes, sous 100 masques divers, ne paratent en jeunes gens, en hommes, en vieillards, en pères, en citoyens, en prêtres, en fonctionnaires, en commerçants, préoccupés ardemment de leur commune comédie, et nullement d'eux-mêmes. À la question « Pourquoi vis-tu ?», ils répondraient tous vite et fièrement « Pour devenir un bon citoyen, un savant, un homme d'État. » Et pourtant, ils sont quelque chose qui ne pourra jamais devenir autre chose. Un extrait de Nietzsche, la troisième considération inactuelle ou intempestive. Je ne sais pas quelle traduction vous préférez, Yanis Constantinides. Là, c'est Schopenhauer, éducateur. Donc, c'est un texte de 1874, interprété ici par Bernard Gabé. On a ici la première occurrence de « Comment suis-je devenu ce que je suis ?» et donc ici la première apparition d'une forme d'échec, puisque certains échouent à devenir ce qu'ils sont. Et là, c'est peut-être l'échec fondamental, on pourrait dire, pour Nietzsche. Voilà, c'est exactement ça. Ce thème de devenir ce que l'on est, qui évidemment est repris beaucoup plus tardivement dans Ecce Homo en 1888, ce thème apparaît effectivement dès cette considération inactuelle. Enfin, on peut dire inactuelle ou intempestive, c'est pas très important. Il apparaît dès cette troisième considération inactuelle, qui est méconnue, qui est peu lue finalement. La deuxième un petit peu éclipsé les autres. Et en fait, pour moi, c'est la plus intéressante du point de vue de la connaissance de l'œuvre, parce qu'effectivement, en se rapportant à Schopenhauer et reprenant en partie sa pensée, mais s'en dégageant déjà un petit peu, Nietzsche explique qu'effectivement, le vrai échec, finalement, par rapport à ceux qu'on a expliqué tout à l'heure, le vrai échec, c'est de ne pas devenir ce que l'on peut devenir, ce que l'on peut être. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire, ne pas devenir ce que l'on peut être? Parce que déjà, il faut savoir ce que l'on est. Déjà, c'est quand même la première question. Et puis, il faut pouvoir le devenir. C'est-à-dire, je ne parle pas que de conditions matérielles, mais aussi, en fait, comment ce devenir advient-il? Est-ce que c'est un apprentissage? Est-ce que c'est une culture? Est-ce que c'est un abandon? Est-ce que c'est un renforcement de sa volonté? Qu'est-ce que ça veut dire, devenir ce que l'on est? Alors, justement, le point crucial pour comprendre cette formule, je pense, c'est que on ne sait pas qui on est. Et sans doute on le saura jamais. Nous sommes pour nous-mêmes étrangers, dit Nietzsche en permanence. Et Nietzsche explique qu'en fait, pour réellement se connaître soi-même, il ne faut pas se regarder, il ne faut pas se tourner vers soi, la conversion à la Saint-Augustin par exemple, mais il faut au contraire se perdre. Il faut passer par une série de renoncements pour se retrouver, alors je dirais peut-être un petit peu par hasard, comme on retrouve son chemin un petit peu en s'étant perdu longuement, vous voyez, pour se retrouver en ayant laissé mûrir ses instincts primordiaux. Alors que si on se fixe très tôt, si on veut devenir un fonctionnaire, un savant... Un bon citoyen, un savant, un homme d'État, dit-il dans le texte. Un homme d'État, acheter une maison à 27 ans, etc. Avoir des chiens. Avoir un chien. Enfin, des enfants et un chien, pardon. Peut-être dans cet ordre-là. On reste dans une logique de la réussite, voilà, sociale, de la comédie sociale, comme dit Nietzsche. Et en fait, on s'éloigne de son véritable soi, si je puis dire. Alors ça, ce qui est intéressant dans ce texte, effectivement, c'est qu'on entend pourquoi le grand homme veut-il si fort le contraire, c'est-à-dire justement sentir la vie. On voit bien que ce grand homme, en fait, s'oppose peut-être à ces petits hommes qui désirent avoir, en fait, qui ont un programme à accomplir, qui sont finalement dans la norme. Et on sent bien l'importance de l'échec ici, puisque celui qui échoue, qui donc, en fait, rate la cible, n'est pas dans la norme, est précisément celui qui sent le plus la vie pour Nietzsche, c'est ça ? Voilà, c'est exactement ça, c'est identifier des normes, on reviendra peut-être à la question de l'outsider tout à l'heure, c'était le titre que vous avez donné à l'émission. On identifie des normes qui ne nous conviennent pas, qui apparaissent comme un carcan, on ne sait pas trop pourquoi, mais on se sent à l'étroit. Il explique très bien dans la préface d'Humain trop humain 1, qui est écrite plus tardivement, c'est-à-dire que c'est un irrépressible besoin de liberté, qui fait, je dirais, si je peux faire un lien avec l'actualité, qui fait que des gens, par exemple, plaquent tout un jour et s'en vont. Voilà, ils connaissent cette liberté négative qui consiste à dire partout mais plus ici. Voilà, j'ai besoin de me dégager du carcan dans lequel, qui peut être confortable, hein, bien sûr, qui peut être un concours confortable, mais je veux me dégager de ça parce qu'il faut commencer, pour Nietzsche, il faut commencer par se détacher pour se retrouver. L'image de la mue, par exemple, est très fréquente chez Nietzsche. Et que faut-il entendre par norme ici chez Nietzsche? Est-ce que c'est des valeurs morales, en fait? Est-ce que c'est des valeurs sociales? Est-ce que c'est des règles d'accomplissement, un petit peu de l'ordre, on va dire, social? C'est quoi ces normes? C'est un peu tout ça, parce que pour moi, elles sont liées, bien sûr, les normes sociales et les normes axiologiques, ou les normes, les valeurs religieuses, ou les valeurs spirituelles, etc. C'est cette idée que on ne veut pas jouer le jeu. Voilà. Alors extérieurement, d'ailleurs, Overbeck l'avait bien senti, ressenti cet aspect-là. Qui est Overbeck? Franz Overbeck, un ami de Nietzsche qui était un théologien, qui avait du mal avec Nietzsche, un ami qui avait du mal avec son ami. Oui, c'est-à-dire qu'il comprenait pas. Il avait le sentiment. Moi, je trouve que c'est très intéressant cette idée qu'il exprime dans les souvenirs. Il avait le sentiment que Nietzsche surjouait un petit peu le rôle social. Nietzsche, vous savez, est présenté comme quelqu'un de très aimable, très attentionné envers les femmes, très très agréable à table, contrairement à Schopenhauer, par exemple, qui était vraiment mal dégrossi. Et en fait, Overbeck se dit, je peux pas me défendre contre le soupçon qu'il faisait semblant. Qu'en fait, il joue trop bien le jeu social pour être réellement respectueux des normes. En fait, il est déjà ailleurs. Ça veut dire que Nietzsche était lui-même coupable de ce qu'il dénonce en fait dans ce texte, c'est-à-dire qu'il jouait presque à celui qui échouait, il jouait le rôle du surhomme qui échoue et qui aime l'échec? Non, parce qu'il n'y croit pas, c'est un masque. C'est un masque, c'est-à-dire il avance masqué, clairement. Alors au début, il n'est pas confortable derrière un masque, comme nous tous actuellement. Mais il le voit pas encore comme un masque. C'est progressivement. Voilà, il y a cette idée de progression quand même dans la connaissance de soi chez Nietzsche très clairement, dans cette idée de maturation qu'on trouve dans Zarathoustra par exemple. C'est une lente maturation. On peut pas d'emblée se découvrir soi-même. Ça n'est pas possible. Mais il jouait le jeu social tout en étant en retrait. Vous voyez, c'est-à-dire je fais semblant pour ne pas avoir de soucis finalement, mais en réalité je suis déjà ailleurs. Je n'adhère pas. Voilà, je me conforme, mais je n'adhère pas aux normes. Et en quoi est-ce un échec, là? Parce que, pour le coup, ça ressemble plutôt à une affirmation. Ça semble être le contraire de l'échec, puisqu'il y a une forme d'adéquation entre Nietzsche et son désir. Voilà, l'échec, c'est celui des autres. C'est ceux qui sont de bons soldats, de bons citoyens. Ceux qui, finalement, épousent le rôle qu'on leur donne, que la société leur donne, que l'éducation familiale leur donne. Et qui, finalement, n'essaieront jamais de faire un pas de côté ou un pas en retrait pour regarder leur vie, voilà, ce qui est fondamental pour chacun, vous voyez, pour essayer de, au moins, avoir conscience qu'ils sont pris dans un rôle qui leur a été prédestiné, qui leur a été donné par avance, et dans lequel ils se sont trop bien, peut-être, adaptés. À propos de ce grand homme, dans le texte qu'on a entendu à l'instant, Nietzsche dit « il se tourmente et il voit que personne ne se tourmente ainsi ». Ce qui est intéressant, c'est que celui qui finalement réussit pour Nietzsche, à savoir qui va suivre son désir, être en adéquation avec son désir, ressent pourtant les effets de l'échec. Alors que ceux qui échouent réellement n'ont aucun effet de l'échec, ce qui est vraiment trompeur. C'est exactement cela, c'est-à-dire que l'homme héroïque ou le grand homme, il part d'une citation de Schopenhauer avant ce texte que vous avez lu, vous avez fait lire. Le grand homme ou l'homme héroïque pour Nietzsche, c'est celui qui a la conscience, une conscience intime du fait que de l'urgence des choses, de l'urgence de bousculer les normes. Et évidemment, il est pas entendu et surtout il constate que les autres n'ont pas du tout cette inquiétude là. Vous voyez, c'est un peu, ça me rappelle, alors toute proportion gardée bien sûr, ça me rappelle Kierkegaard, vous savez, le philosophe danois, qui constate que les bons chrétiens, en fait, n'ont aucune angoisse du salut, n'ont aucune inquiétude métaphysique. Il dit, comment peut-on être chrétien? Alors Nietzsche, ça sera évidemment l'antichrist plutôt, mais comment peut-on être chrétien sans éprouver la moindre angoisse au récit de la mort de Jésus, etc. Donc finalement, être tourmenté, c'est bon signe. Oui, alors ce n'est pas agréable bien sûr pour soi, Mais voilà, c'est un échec apparent qui est en fait une manière de sortir des échecs salués comme des succès par la société. On a qualifié mes ouvrages d'école du soupçon, davantage encore du mépris, du courage aussi, heureusement, et même de la témérité. En fait, moi non plus, je ne crois pas que personne ait jamais regardé le monde avec une suspicion aussi profonde. Ce dont j'ai toujours eu le besoin le plus urgent pour entreprendre moi-même mon traitement et ma guérison, c'était la croyance que je n'étais ni seul à être, ni seul à voir de la sorte. Il se pourrait que l'on eût, sous ce rapport, à me reprocher nombre d'artifices, quantité de faux monnayages subtils. Par exemple, d'avoir sciemment et délibérément fermé les yeux à l'aveugle volonté de morale propre à Schopenhauer, à une époque où je voyais déjà assez clair en morale, de m'être de même abusé sur le romantisme incurable de Richard Wagner, feignant que ce fut un commencement et non une fin, et de même sur les Grecs, de même sur les Allemands et leur avenir, et peut-être y aurait-il encore toute une longue liste de ces « de même ». Mais, à supposer que tout cela soit vrai et avancé contre moi à bon droit, que savez-vous, vous ? Que pourriez-vous savoir du degré de ruse que met l'instinct de conservation dans pareille illusion sur soi-même, du degré de raison et de vigilance supérieure qu'elle comporte, et quel degré de fausseté m'est encore nécessaire pour pouvoir continuer à me permettre le luxe de ma véracité à moi? Suffit, je vis toujours, et la vie au moins. Ce n'est pas la morale qui l'a inventée. Elle veut l'illusion, d'illusion. Elle vit. Nietzsche, humain, trop humain. Alors, humain, trop humain date de 1878, mais là, on a entendu un extrait de la préface à la seconde édition qui date de 1886. Les dates sont importantes parce que en 8 ans, il s'est passé beaucoup de choses pour Nietzsche. On a donc entendu cet extrait interprété par Bernard Gabay, donc de cette préface à la seconde édition de Humain, trop humain. Nietzsche y fait en fait la recension de toutes ces erreurs de jugement qu'il a pu commettre, mais c'est le moment de faire la distinction. Yanis Constantinides, entre des erreurs de jugement qui suivent, on va dire, une transformation personnelle et puis des erreurs qui sont véritablement de l'erreur presque factuelle, de l'erreur de la fausseté. Or, Nietzsche semble tout mettre ici dans le même panier, si je puis dire. Oui, alors c'est un texte, si on peut dire, d'auto-justification, justification rétrospective de son parcours, parce qu'effectivement, le lecteur, enfin les rares lecteurs d'Humain, trop humain 1, doivent s'étonner de voir que 8 ans plus tard, il écrit par de la bien et mal. Donc Nietzsche veut rétrospectivement, ce sera la première rétrospection. Quelle différence on peut faire entre ces deux textes, juste pour ceux qui n'ont pas en tête ni Humain, trop humain, ni par de la bien et mal, en quoi ces deux textes sont contradictoires ? Ils ne sont pas contradictoires, enfin... Pour moi, c'est trop facile de parler des contradictions, c'est très classique. Overbeck en parle aussi à la fin du livre. Très classique de parler des contradictions de la pensée de Nietzsche, insurmontable, etc. On peut trouver quand même une cohérence tortueuse, une cohérence aventureuse, comme dirait Roger Caillois, mais on peut trouver une cohérence quand même du propos. Mais Humain, trop humain 1, c'est la période dite positiviste de Nietzsche. Il est assez favorable à la science. C'est une critique, on va dire, très rapidement de la religion, de la morale, par un certain esprit scientifique. C'est pas si scientiste que ça, évidemment. Alors que par de la bien et mal, c'est les œuvres de la maturité, le début des œuvres de la maturité, si on peut dire, ou de la maturation achevée, où là, on attaque... clairement la morale. Par Babel et Mal est un ouvrage fantastique, et le sous-titre c'est Prélude à une philosophie de l'avenir. ce qui est une petite méchanceté à l'égard de Wagner qui parlait de musique de l'avenir. Donc évidemment, Nietzsche glisse ses petites vacheries dans ses textes. Mais ça annonce, c'est la critique de la morale existante et l'annonce de valeurs à venir. Voilà, le Pardon bien et mal, c'est vraiment le livre pivot là-dessus. Donc dans cette préface, qui est donc écrite au même moment que la sortie de Pardon bien et mal, c'est une manière en fait de relire Humain trop humain, 8 ans plus tard, avec justement cette lecture beaucoup plus critique sur ce qu'il a pu faire, dire avant. Complètement. Alors on pourrait dire qu'il réécrit l'histoire et qu'en fait il n'y a aucun rapport entre les deux ouvrages et qu'il a juste changé de registre et que ce premier ouvrage est indéfendable. Mais c'est la spécificité de Nietzsche dans Ecce Homo aussi de retourner sur soi, sur son parcours et de lui donner sens. Voilà, je pense que c'est quelque chose de très important, cette idée de rétrospective où il va chercher à expliquer ses erreurs passées justement. Et vous avez vu, vous avez entendu que ces erreurs n'en sont pas véritablement. C'est la vie qui cherchait des illusions parce qu'elle en avait besoin à ce moment-là. Et il faut être prêt pour tomber le masque, vous voyez. C'est plus tard seulement qu'on peut être lucide sur les erreurs qu'on a commises, qui étaient pourtant nécessaires. Vous voyez, ce ne sont pas des erreurs où on va rebondir et faire autre chose après, et rectifier l'erreur. Mais en fait, ces erreurs étaient nécessaires, c'était des étapes dans la compréhension de soi. Quand est-ce qu'on est prêt ? Alors, je pense à Karate Kid tout de suite. Tu le sauras quand tu seras prêt, petit scarabée. Pardonnez-moi la référence. Oui, je m'attendais pas à ce rapprochement entre petit scarabée et Nietzsche. C'est une très bonne question. Merci de la poser. Mais on le sent intuitivement. Dans Ecce Homo, il y a quelque chose de presque mystique. C'est-à-dire que Nietzsche dit, voilà, si on était un peu superstitieux, on pourrait penser que ça nous tombe du ciel. Vous voyez, l'expérience de l'inspiration, dit-il, c'est comme si les mots venaient s'offrir à moi. Vous voyez, c'est là où on sent qu'on est prêt, c'est que il y a une grande lucidité. Prenez l'exemple plus sérieusement que Karate Kid. Prenez l'exemple de Zarathustra. Zarathustra fait un premier comeback, si vous voulez. Vous savez, au bout de 10 ans, dans la montagne, etc., il descend parce qu'il a besoin de mains qui se tendent, il a besoin d'humanité. Mais en fait, il n'est pas encore prêt. Et du coup, il repart pour revenir encore. Vous voyez, donc il y a cette idée de mes fruits sont mûrs, dit Zarathustra, mais je ne suis pas encore mûr pour mes fruits. C'est exactement ça l'idée d'être prêt, vous voyez. Mes fruits sont mûrs, mais je ne suis pas mûr pour mes fruits. C'est-à-dire, voilà, ma pensée est déjà là, vous voyez, devenir ce que l'on est, dès 1874, mais je ne l'ai pas encore entièrement comprise. Surtout qu'en plus, c'est très difficile, parce que comme vous l'avez dit, Yannis Constantinides, il ne faut pas se tourner vers soi, vers ce que l'on est, il ne faut pas tenter de se découvrir, il faut au contraire, on pourrait dire, avancer, agir, remettre tout en question sans cesse. Voilà, encore une fois, je fais allusion à Saint-Augustin, à votre émission de mardi, mais chez Nietzsche, c'est tout à fait le contraire, c'est pas la conversion, c'est la diversion. Il faut se divertir de soi, se détacher de soi pour se retrouver, vous voyez. Donc il faut abandonner les vieilles peaux. Il faut se dégager des différentes peaux sociales, morales qu'on, n'oublions pas que Nietzsche est fils de pasteur, petit-fils de pasteur. Donc il faut se dégager de ces peaux qu'on nous a apposées sur notre véritable moi, commencer par se détacher, se divertir pour éventuellement revenir à soi, en sachant qu'on se connaîtra jamais réellement soi-même. Voilà, cette idée qu'on reste pour soi un étranger. J'aimerais revenir sur la fin du texte, Yannis Constantinides, ce moment où en fait Nietzsche nous dit « Quel degré de fausseté m'est encore nécessaire pour pouvoir continuer à me permettre le luxe de ma véracité à moi suffit. Je vis toujours et la vie au moins, ce n'est pas la morale qui l'a inventée, elle veut l'illusion, d'illusion elle vit. » Est-ce qu'il n'y a pas une distinction quand même à faire entre le droit à l'erreur, le droit à l'échec et la revendication de l'illusion et de la fausseté comme vérité de soi ? Voilà, il y a une grande contradiction, entre guillemets, dans l'œuvre de Nietzsche, entre sa volonté de probité, de sincérité, sa passion de la sincérité, comme dit Stefan Zweig dans son beau livre sur Nietzsche, sa passion de la sincérité, et puis cet éloge de l'illusion, de l'art, de la fiction, qui est bien connu depuis l'instant tragédie, c'est-à-dire on a besoin de fuir la vérité, on a besoin d'illusion. Et là, vous voyez, en fait, cette contradiction est surmontée dans une sorte de dialectique intime, parce que l'illusion apparaît comme un moyen d'une plus grande véracité. Et l'illusion s'oppose à la vérité, mais est le moyen de la véracité. Elle nous permet finalement d'échapper à cette vérité un peu simple, un peu immédiate, un peu convenue, et d'arriver vers une véracité intime qui est beaucoup plus complexe. Oui, mais le paradoxe, c'est qu'ici, il se rend compte de ses illusions passées. Vous voyez, c'est-à-dire que pour savoir qu'on a été dans l'erreur, encore faut-il être après dans la vérité pour se rendre compte de l'erreur. Comment discerner ces erreurs? On a presque l'impression, et c'est presque la dérive ou la limite de la pensée de Nietzsche ici, de dire qu'en fait, il justifie toute illusion au nom d'une vérité qui serait la sienne. Alors, il justifie pas toute illusion. Il y a des illusions nocives, il y a des illusions toxiques, il y a des illusions de la décadence, etc. Donc, au contraire, il fait une différence très nette entre les illusions favorables à la vie, justement, comme ici, et les illusions, au contraire, qui minent la vie et qui se présentent, elles, comme des vérités éternelles. Mais je dirais non, ici, c'est une question de véracité intime, c'est-à-dire d'autocritique, si je puis dire, ou d'introspection impitoyable. Voilà, c'est ça qui a rendu finalement Nietzsche malade, ou éventuellement à la fin explique en partie l'effondrement. Cet aspect de ce scalpel dirigé contre soi, cet aspect impitoyable d'introspection qui consiste finalement à révéler ces illusions, les illusions auxquelles on s'accroche, vous savez, qui nous définissent. C'est-à-dire la famille, la patrie, la musique, etc., de Wagner, etc. Trancher dans le vif, vraiment, il faut l'imaginer se découpant lui-même spirituellement, vous voyez, trancher dans le vif pour ne garder finalement que l'authenticité, que la partie réellement qui n'est plus d'autrui, mais qui est de soi. Que faites-vous? Je pars, et vous m'accompagnez. Pour cela, il faudra m'épouser. Vous ne m'avez pas comprise. Je voulais vivre seul. Mais le bel oiseau loup croisa mon chemin. Je crus voir un aigle. Je voulus alors cet aigle près de moi. Nous sommes liés par le destin. Vous êtes ma sœur spirituelle. Je voyais en vous l'incarnation de mon idéal sur Terre. Mais avez-vous remarqué que je vois mal? Ne voyez-vous donc pas qu'être en votre présence en coûte terriblement à une personne comme moi? J'aurais pu me faciliter la vie, mais je me suis tellement mis en quatre que je pourrais encore vous servir, même si vous me nuisiez. Savez-vous que votre voix m'insupporte, sauf quand vous implorez? Je vous préviens. Si je vous répudie, c'est un blâme sans appel qui s'abattra sur votre être. Phyllis. Sauf que vous n'êtes pas Aristote. Que disait-il déjà? Le caractère se manifeste dans les actes. Direction la gare. Comment devient-on ce que l'on est? C'est là que j'atteins ce qui, dans l'art de l'autoconservation, de l'automanie, est un véritable chef-d'œuvre. En admettant en effet que la tâche, la détermination et le destin de la tâche est une importance supérieure à la moyenne, le plus grave danger serait de s'apercevoir soi-même en même temps que cette tâche. Que l'on devienne ce que l'on est suppose que l'on ne pressente pas le moins du monde ce que l'on est. De ce point de vue, même les bévues de la vie ont leur sens et leur valeur, et pour un temps, les chemins détournés, les voies sans issue, les hésitations, les modesties, le sérieux gaspillé à des tâches qui se situent au-delà de la tâche. En cela peut s'exprimer une grande sagacité, et peut-être la suprême sagacité. Là où le nosce te ipsum serait la recette pour décliner, c'est s'oublier, se mécomprendre, se rapetisser, se borner, se médiocriser qui devient la raison même. Pendant ce temps, l'idée organisatrice, celle qui est amenée à dominer, ne fait que croître en profondeur. Elle se met à commander, elle vous ramène lentement des chemins détournés, des voies sans issue où l'on s'était égaré, elle prépare la naissance de qualités et d'aptitudes isolées qui, plus tard, se révéleront indispensables comme moyens pour atteindre l'ensemble. Elles forment l'une après l'autre les facultés auxiliaires avant même de rien révéler sur la tâche dominante, sur le but, la fin, le sens. Considérez sous cet aspect, Ma vie est tout simplement miraculeuse. Alors nous avons tout d'abord entendu un extrait du film de Cordula Kablitz Post de 2016, Lou Andrea Salomé, avec les doublages fabuleux de Jules Barbier qui interprétait Nietzsche et donc de Louise André qui interprétait Lou. On a entendu juste après un extrait de Ecce Homo, le texte de 1888 de Nietzsche, où on retrouve exactement ce que vous aviez dit, Yannis Constantinides, à savoir en fait que toutes les bévues de la vie ont un sens, ont une valeur, même que ce soit des bévues d'ordre, on pourrait dire intellectuel, donc un engagement auprès de Schopenhauer ou auprès de Wagner, ou que ce soit des bévues, des échecs amoureux comme celui qu'il a vécu avec Lou Andrea Salomé. Oui, alors Louise André pour Lou Andrea, c'est parfait. Hein, c'est... Oui, ça tombe très bien. Voilà. Les bévues en fait apparaissent comme nécessaires, comme je disais, parce qu'elles nous permettent justement de nous détacher de nous-mêmes, de nous détacher de notre faux soi. C'est-à-dire que finalement, en expérimentant l'échec, on comprend que cette voie n'est pas pour nous. Vous voyez cette dimension-là, c'est-à-dire le wagnerisme. Il faut quand même rappeler que il a écrit l'essence de la tragédie pour Wagner, dans l'esprit de Wagner, on va dire. Bon, même s'il n'était pas tout à fait fidèle. Et après coup, vous voyez, il se rend compte que même quand il rend hommage à Schopenhauer, il n'est pas tout à fait schopenhauerien. Même dans son époque wagnérienne, il n'est pas si wagnérien que ça. Donc déjà, le vrai Nietzsche, on va dire, pointait son nez derrière le Nietzsche d'apparat, le Nietzsche qui faisait semblant. Mais est-ce que ce détachement dont vous parlez, Yannis Constantinides, à travers les échecs, c'est-à-dire qu'on se rend compte, en fait, on s'est engagé dans cette voie, finalement, cette voie-là ne me convient pas, je l'ai expérimentée. On pourra revenir d'ailleurs sur l'importance de cette expérimentation. Mais est-ce que l'échec, c'est pas aussi l'occasion d'un enfoncement en soi, c'est-à-dire le risque de s'enfoncer en soi-même dans la douleur et d'être complètement détaché de tout le monde? C'est-à-dire qu'on voit bien après le Lou Andrea Salomé et Paul Rey, donc la trinité qu'ils ont formée, il y a un véritable isolement. Il rompt avec sa famille, Nietzsche ne parle plus à personne, il se retrouve véritablement seul. Donc le risque aussi d'être soi-même, c'est d'être surtout tout seul. Alors c'est tout à fait vrai, c'est un aspect donc qu'on n'a pas abordé encore, mais le chemin qu'a choisi Nietzsche, ce chemin nouveau, ce chemin escarpé qu'il a choisi, l'a effectivement isolé de l'humanité, l'a rendu malade et lui a fait passer plein de nuits extrêmement difficile. Il faut voir la correspondance de Nietzsche qui n'est que plainte pratiquement sur ses accès de maladie nerveuse, sur l'isolement total dans lequel il est. Quand il écrit le Zarathoustra, il est convaincu d'avoir écrit le livre qui va changer le cours de l'humanité. Et il n'y a aucun bruit. Il dit on pourrait devenir fou. On peut mourir d'être immortel. 37 exemplaires seulement édités, dont certains distribués. Vous voyez, il n'a même pas vendu 37 exemplaires. Donc, effectivement, cet isolement et cet isolement voulu, hein, cet isolement délibéré. Mais il en a souffert, effectivement. Et il a pensé régulièrement à mettre fin à ses jours, ça on le voit dans la correspondance. Mais en même temps, il disait, c'est toute la complexité de Nietzsche, la pensée du suicide est une puissante consolation. Alors, c'est intéressant ce terme de pensée parce que finalement, les échecs vécus d'un point de vue presque physiologique hein, qu'il aborde ont une consistance intellectuelle, sont même un accès, une forme d'école, un accès au savoir, une école de pensée. Voilà, la maladie. Je dois la maladie ma philosophie, dit Nietzsche très régulièrement. Alors, on ne doit pas penser qu'il y a ici un dolorisme ou une volonté de, comme on a pu le dire, comme Ruven Ogien le dit par exemple pour Nietzsche, dolorisme ou une sorte d'évaluation positive de la maladie. Non, c'est vraiment la maladie au sens de se détacher. C'est une maladie psychosomatique, si on peut dire chez Nietzsche, ou somatopsychique. Se détacher vraiment. De détacher sa peau, je dirais à vif, hein, vous voyez, c'est vraiment trancher en soi, se détacher activement de tout ce qui me parasite, dans cette volonté de connaissance. Effectivement, à un moment, dans Gai Savoir, fameux texte, Nietzsche dit « Non, la vie ne m'a pas déçu parce qu'elle est un moyen, une tentative pour acquérir de la connaissance ». C'est-à-dire, je cherche cette connaissance sur la vie, donc sur moi-même, parce que je suis un vivant qui veut grandir, voilà la grandeur. Je cherche cette connaissance dans la vie elle-même. Est-ce qu'on est tous capables de ça? Alors je pense pas. Je pense pas. C'est-à-dire la somme de sacrifices, petits et grands. Hein, je veux dire qui ne va pas retrouver sa famille dans deux jours pour Noël, n'est-ce pas? Le fait de se détacher activement de son pays, de couper les ponts. C'est vraiment brûler les vaisseaux, couper les ponts, s'éloigner de tous et de... Alors, en gardant contact, mais un contact de plus en plus détaché, ce que dit Overbeck, c'est-à-dire il écrit, il est toujours aimable, mais en fait il n'est pas avec nous, il n'est plus avec nous. Voilà, cet isolement forcé, cette Stefan Zweig dit très bien dans son livre sur Nietzsche, enfin Nietzsche Hölderlin Kleist, Le combat contre le démon, il dit voilà, jamais il n'y a la présence chaude d'une femme dans son lit. Voilà, il est vraiment il s'est retranché de tout dans cette obsession de révéler des connaissances que l'humanité n'avait pas saisies jusque-là. Et est-ce que le risque aussi, c'est au-delà de la solitude et de la folie, c'est aussi d'être dans une forme de fausseté, c'est-à-dire de ne plus arriver par une forme d'extériorité à soi. Justement, vous parlez de détachement, Yanis Konstantinès, mais c'est finalement d'être dans un tel détachement, dans un tel éloge du détachement, que finalement on ne se rend plus compte qu'on est complètement hors des clous. Qu'on est complètement à côté de la plaque. Je pense qu'ils s'en rendaient compte. Je pense qu'ils s'en rendaient compte, c'est-à-dire, il faut imaginer Nietzsche comme un outsider. Je redirai ça. C'est une référence au livre célèbre de Howard Becker. C'est un outsider, c'est-à-dire il n'est pas de ce monde, littéralement. Il n'est pas de ce monde. Il n'adhère pas aux valeurs. C'est un déviant dans un sens, si je puis dire, positif, parce que ce qu'il révélera, c'est que les normes morales elles-mêmes sont déviantes. Elle dévie de la vie ascendante. Donc c'est quelqu'un qui est au service de la vie ascendante, très clairement, qui est au service de l'ennoblissement de l'homme, d'une grandeur humaine, qui ne retrouve plus. Et il va décortiquer les valeurs qui conduisent à cet appauvrissement, à cette auto-humiliation finalement de l'humanité. Est-ce qu'on peut revenir, Yanis Konstantinès, sur cette idée d'expérimenter aussi? C'est-à-dire que quand Nietzsche, dans ce texte, nous dit « Même les bévues de la vie ont leur sens et leur valeur, les chemins détournés, les voies sans issue, les hésitations, les modesties, le sérieux gaspillé à des tâches qui se situent au-delà de la tâche », on voit bien que, finalement, il faut peut-être se départir aussi de ce qu'on plaque sur l'échec ou sur la réussite, déjà, à savoir les faire toujours fonctionner ensemble. Donc, l'échec serait du côté du mal, la réussite du côté du bien. Nietzsche ne fait pas seulement qu'inverser le sens en fait de cette dichotomie, l'échec ne devient pas bien et la réussite forcément mal, mais c'est juste qu'en fait il faut les dédramatiser, il faut les relativiser, tout cela ce ne sont qu'en fait que des essais, que des tentatives, que des expérimentations. C'est complètement ça, c'est le fameux terme de Versuch en allemand qu'utilise beaucoup Nietzsche, la tentative ou l'essai ou l'expérimentation. La vie elle-même est un essai, une tentative. Tentative risquée. Et peu importe, je dirais, vous avez raison, il faut sortir de cette dichotomie réussite-échec. L'échec n'est pas à prendre comme quelque chose de définitif. La réussite non plus, d'ailleurs, on l'a vu. D'accord? Ce qui importe, c'est d'expérimenter. C'est effectivement, vous disiez, pourquoi nous ne sommes pas nietzschéens? Pourquoi nous ne sommes pas tous nietzschéens? Eh bien, parce qu'il faut expérimenter, même quand tout va bien, vous voyez, même quand tout semble apaisé, etc. Expérimenter, repartir. C'est cela la vie finalement. La vie elle-même est un versuch, une tentative risquée. Je pense à une phrase de Marinetti, lecteur, grand lecteur, mais lecteur critique de Nietzsche. Marinetti disait « La vie est un enjeu risqué dans le tripolouche de la mort ». Voilà, c'est-à-dire que si on ne tente plus, si on se met pas en danger, vivre dangereusement, disait aussi Nietzsche dans le Gai Savoir, si on se met pas en danger, eh bien finalement, qu'importe les réussites si elles sont définitives, vous voyez ? Qu'importe les réussites si elles m'endorment finalement. Et Nietzsche dira, ce n'est pas d'un seul coup, mais petit à petit, que s'effrite notre volonté. C'est une série de petites démissions. Voilà, on a son appartement, on vient d'avoir ses enfants, le chien arrive, comme vous disiez. Eh bien, là, on s'assoit et voilà, la vie n'est plus, il n'y a plus de volonté de vivre grandement. Mais le paradoxe quand même, Yanis Konstantinès, c'est de se dire que la vie est un essai en tant que tel, mais qu'en même temps, Nietzsche va soutenir l'éternel retour. C'est-à-dire qu'on essaye avec le risque quand même que nos tentatives ratées ne cessent de revenir. En fait, c'est-à-dire que c'est un essai éternel. Voilà, l'éternel retour, c'est une épreuve. Il faut vraiment la voir comme une épreuve de volonté. C'est-à-dire c'est une question que Nietzsche pose à chacun de nous. Est-ce que tu serais prêt à accepter cette vie telle qu'elle est, sans rien changer, hein, sans rien changer, même pas le moindre détail, parce que si on pouvait changer des choses, bien sûr, on le ferait. Est-ce que tu es prêt à dire oui à cette vie telle qu'elle a été? Kant se posait la même question. Vous parliez de Kant hier. Kant se posait la même question. Il disait, ça serait épouvantable de revivre la même vie. Je ne sais pas si Nietzsche connaissait ce texte, mais dans la fin de toute chose, mais c'est le parallèle est intéressant. Kant dit, si on devait revivre la même vie, ça serait tout simplement épouvantable. Alors pour Nietzsche, c'est le plus grand témoignage d'amour à la vie finalement. Ce fait de dire oui malgré les échecs, malgré... Finalement, c'est ce qu'il fait dans son œuvre, c'est-à-dire que jetant un regard en arrière, voilà, il voit que tout est bon, si j'ose dire. Il y a un geste presque de Dieu, on lui reprochera d'ailleurs, vous savez, cette mégalomanie apparente dans Ecce Homo. Il regarde en arrière, il voit que tout est bon. Pandakalalian, le mot qui énervait Schopenhauer, il vit que tout était bon. Il dit tout était bien. Finalement, tout s'explique, tout se justifie. Ça ne veut pas dire que tout était bien du début à la fin. Il y a eu plein d'échecs, justement. Mais rétrospectivement, ça apparaît comme un destin. Quant à son génie, au sens le plus fort du terme, Nietzsche n'y a pas cru. Disons-le simplement, il n'a pas cru en lui-même. Dans la relation de confiance que j'entretenais avec lui en tant qu'ami, j'ai entendu à ce sujet des aveux personnels trop poignants, du moins pendant des années, avant qu'il n'apparaisse au public avec les exigences les plus hautes qui soient vis-à-vis de lui-même, pour ne pas ressentir plus tard les extravagances extrêmes de la conscience qu'il avait de sa valeur comme des témoignages de ce doute qui le rongeait, plutôt que comme des manifestations annonciatrices de la folie. Or, c'est ainsi qu'on les interprète désormais, depuis que le public est en mesure de partir de cette fin qu'a connue Nietzsche pour jeter sur lui un regard rétrospectif méprisant. Aujourd'hui encore, elles restent pour moi ce qu'elles m'ont paru d'emblée. La mort de Nietzsche ne constitue nullement, comme ses adversaires se plaisent à le croire, un argument contre la génialité de son talent, même si elle parvient peut-être à en expliquer les limites. Ce qui, toutefois, me paraît tragique dans ce talent, c'est qu'il soit unilatéral. Nietzsche était un génie, mais son génie résidait dans le talent du critique. Or, l'usage qu'il a fait de ce talent critique, à savoir l'appliquer à lui-même, était le plus dangereux qui fût. C'était en réalité un usage fatal. Celui qui, de manière exclusive, mit autant d'énergie à se faire lui-même objet d'un talent critique aussi génial, était nécessairement voué à la folie et à l'autodestruction. France Culture, Les chemins de la philosophie. Géraldine Mosna-Savoie. C'était un extrait de Souvenirs sur Nietzsche de Franz Overbeck, dont vous nous avez parlé tout à l'heure, Yanis Constantinides. Alors Franz Overbeck, c'est un professeur allemand de théologie protestante, historien des religions. Il a été l'ami de Nietzsche, il est connu d'ailleurs pour son abondante correspondance avec lui. Et alors il a un avis quand même tout à fait tranché sur Nietzsche. Nietzsche était un génie, mais il a tout raté pour devenir fou. on voit ici le début d'une thèse qu'on reverra pendant presque un siècle, que Nietzsche n'est qu'un grand critique et qu'il ne propose rien de positif. Alors, c'est méconnaître tout l'aspect positif justement de l'œuvre. Nietzsche dit toujours, pour détruire un temple, pour reconstruire un temple, il faut en détruire un d'abord. Donc, il faut d'abord commencer par détruire pour reconstruire. Mais on voit pas tout l'aspect justement de législation des valeurs. Nietzsche développe ce thème du philosophe législateur qui crée de nouvelles valeurs justement pour combattre l'abrutissement ou l'autodégradation de l'humanité. C'est en ce sens-là, je dirais que c'est un outsider, au sens où l'entend Howard Baker dans son grand livre sur les fumeurs de marijuana ou les danseurs, etc. C'est que c'est des déviants, mais par rapport à des normes qui paraissent elles-mêmes des normes déviantes après coup, vous voyez ? Donc finalement, le déviant, celui qui est vu comme un déviant, alors je compare pas Nietzsche à un fumeur de hashish, bien sûr, mais pourquoi pas ? D'ailleurs, il prenait beaucoup d'opiacés pour soulager ses douleurs, etc. Ah ben voilà. Voilà, donc, et puis il aimait la danse. Il en parle beaucoup, donc il y a donc y a finalement, il est très proche de ses outsiders. Il est très proche. Alors, outsider au sens où finalement, le rejet des normes est d'abord naturel, c'est-à-dire on se sent à l'étroit dans ces normes-là, jusqu'au moment du grand soupçon, on se rend compte que ces normes-là sont déviantes. Donc on va proposer d'autres valeurs, voilà, des valeurs du côté de la vie ascendante, pour sortir l'humanité de cette impasse. C'est le fameux rêve du surhumain, c'est-à-dire l'humain accompli, versus les derniers hommes, qui sont ceux qui sont la lie de l'humanité, ceux qui aiment le confort, leurs petits plaisirs, c'est-à-dire nous. C'est nous deux, vous voulez dire ? Non, nous, humanité actuelle, pas vous, Géraldine. Mais ce qui veut dire, en fait, que les derniers hommes, ce ne sont pas les pires, ça c'est intéressant, c'est vraiment les médiocres, c'est ceux qui sont au milieu, les moyens. Ça, c'est véritablement ceux qui sont dans l'échec total, sale presque, pour Nietzsche. C'est la médiocrité dorée, si je puis dire, c'est-à-dire, voilà, c'est des gens qui ont peu d'ambition, Au maximum, ils veulent faire de l'argent. Voilà, l'ambition médiocre, vous voyez, faire de l'argent, avoir une maison, avoir leur petit plaisir, leur petit divertissement, leur abonnement à Netflix, que sais-je, etc. Et qui en réalité ont renoncé à toute grandeur. Parce que là, on trouve ça aussi au début de l'œuvre de Nietzsche, 1873. Est-ce que l'ennoblissement de l'homme est encore possible? C'est une question angoissée, vous voyez. Pour moi, c'est le point de départ de la pensée de Nietzsche. Est-ce qu'on peut encore ennoblir l'homme? Ou est-ce que c'est trop tard, vous voyez? Et toute son œuvre, ensuite, c'est une volonté de répondre à cette question. Qu'est-ce qui contredit la noblesse de l'homme et comment l'ennoblir à nouveau? Donc, on l'a vu, l'échec fait partie, en fait, de ces étapes nécessaires pour retrouver une noblesse de l'homme. Est-ce que ces échecs, une fois qu'il y a une véritable positivité, en fait, de ces échecs, même une sorte de vitalité de ces échecs, enfin, comment ça se produit, en fait, cette positivité? Est-ce que ça métamorphose l'homme? Les derniers hommes peuvent-ils devenir, en fait, des surhommes? Jamais. Jamais, c'est vraiment vraiment la fatalité, quoi. Les deux pôles. Alors, oui, il y a un aspect de fatalité. C'est-à-dire, vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'on peut devenir Nietzschéen? Alors, je pense que Nietzsche lui-même ne le croit pas. C'est-à-dire, Nietzsche croit que certains individus rares seulement, c'est une communauté de surhumains qu'il veut former. Ce n'est pas une humanité surhumaine, hein. Ce n'est pas possible. Nietzsche pense qu'il faudra toujours ce socle de médiocre. Il parle d'une pyramide à la fin de sa vie où il faut ce socle de médiocrité pour construire, pour aller vers le sommet, ce qui est très proche finalement de l'idée de Schopenhauer, du génie un petit peu isolé qui domine les autres, etc. Donc en fait, ce que veut Nietzsche, c'est que le surhumain ne soit pas un produit exceptionnel, un petit peu comme qui paissa par la douleur comme lui, pour se révéler soi-même, mais qu'on puisse élever, alors comme dans des pépinières ou des serres, dit-il, qu'on puisse élever une humanité un peu supérieure qui trancherait avec cette humanité médiocre. Alors vous avez 30 secondes pour nous parler peut-être de l'importance du rire dans cette métamorphose et dans cette transformation. Alors, on a soupçonné au Verbeck notamment la gaieté de Nietzsche d'être forcée. Il dit c'est une gaieté forcée, il fait semblant de rire, il ricane en fait. Mais chez Nietzsche, le rire, effectivement, est libérateur. Puisqu'il n'y a que 20 secondes encore, je renvoie au lion rieur de la fin du Zarathoustra. Le lion qui est le symbole de la négativité, c'est le lion qui détruit dans les trois étapes de l'esprit, le chameau, le lion et l'enfant. Le lion devient rieur comme l'enfant, à la fin. C'est-à-dire, voilà, la négativité est surmontée, l'échec est surmonté et on peut enfin rire. Merci beaucoup Yanis Constantinides. De vous, on peut donc lire Le nouveau culte du corps dans les pas de Nietzsche, c'est paru aux éditions François Bourin. Et puis aussi Nietzsche l'éveillé, illustré par Damien McDonald, c'est aux éditions Ollendorf et Dessin. Donc édition qui n'existe plus, mais j'imagine, chers auditeurs, chères auditrices, que vous pouvez retrouver ce livre-là en passant par des voies détournées. Tentez, tentez. Attention. Hop. Encore. Hop. Baisse-toi. Y'a sous les verres. Patron, j'ai tellement de choses à te dire. J'ai jamais aimé un homme autant que toi. Hop! Hé, hey, patron, est-ce que tu avais déjà vu un plus splendide désastre? Tu rigoles, toi aussi, hein? Hein, tu rigoles? Tu as vu comme ils se sont sauvés? Et surtout, les moines! La troisième fois était la mieux. Oui. Rien n'est resté. Oui. Rien du tout. Vous écoutez France Culture, vous écoutez un extrait de Zorba, le grec, un film nietzschéen, me dit Yanis Constantinides. Encore merci à vous. Il est 10h54 et c'est l'heure de retrouver la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Pourquoi la mystique et laquelle ? La religion ne se définit pas seulement par un ensemble de pratiques collectives qui peuvent aussi s'affronter les unes aux autres, définir des groupes les uns par rapport aux autres et avoir ce paradoxe de conduire parfois à la guerre. Elle se définit aussi par des expériences individuelles dont les plus hautes ont toujours été définies philosophiquement mais aussi théologiquement par ce terme étrange qu'on appelle les mystiques. Qu'est-ce donc que la mystique ou qu'est-ce qu'un mystique ? Puisque justement la mystique désigne toujours une expérience individuelle. On peut dire que c'est l'expérience d'un savoir qui répond au mystère absolu de l'existence, mais qui en même temps transforme cette existence en action, qui délivre du malheur et conduit à une action, et cela non seulement pour le mystique lui-même, mais pour tous les hommes, de manière universel. Tel est peut-être le critère le plus important du mystique, du mysticisme réel. On définit parfois le mystique par une prétention à dépasser les limites de l'expérience humaine et aussi par cette capacité à délivrer du malheur et à conduire à des pratiques, à des conduites. En ce sens, le mystique est très proche de l'éthique. Un mystique qui ne nous inspirerait pas par ses actions mais seulement par ses mots ne serait pas un vrai mystique. Mais peut-être que le véritable critère de la mystique, c'est le plus secondaire en apparence. C'est le critère pour la mystique de s'adresser à tous les humains. Non seulement de répondre au mystère de l'existence, non seulement de les mettre en pratique et de nous délivrer du malheur, par exemple par une sérénité du mystique dans l'action, mais surtout de s'adresser à tous les hommes. La force des plus grandes pensées de la mystique, y compris au XXe siècle, par exemple chez Bergson ou chez Simone Weil, qui sur ce point sont très proches, très étonnamment proches, c'est de dire justement que ce critère universel est le fondement même de la mystique. Qu'une mystique qui ne s'adresserait pas à tout le monde, une mystique qui serait la mystique des uns contre les autres, une mystique qui certes donnerait de la force par une expérience qui prétend accéder à l'absolu et qui prétend nous délivrer du malheur, mais qui produirait le malheur chez certains autres en tout cas, qui serait une mystique de la guerre, ne serait pas une mystique du tout. Le propre de la mystique, c'est donc cette expérience individuelle face au mystère de l'existence qui transforme la vie mais qui en appelle à tout le monde. Dès lors, on peut comprendre aussi qu'au-delà même de ces grandes pensées de la mystique, qui rejoignent les grandes traditions des mystiques de toutes les religions, car il y en a justement dans toutes les religions qui s'adressent à tous les humains, au-delà même de la mystique religieuse, il peut y avoir une mystique sans la religion, une mystique qui dès lors préserve le mystère. On la trouvera par exemple chez Jankélévitch, qui définit la mystique comme le réalisme du mystère. Elle ne prétend pas répondre au mystère, mais dans ce doute même, dans cette absurdité même, comme chez Camus, le véritable mystique répond à son inquiétude fondamentale, admet le mystère, transforme son existence, s'adresse à tous les humains, dépasse les conflits des vérités opposées, accède à un universel, que ce soit par l'accès à une vérité supposée, à un absolu supposé, ou bien par le maintien d'un doute, par le maintien d'une inquiétude. Dès lors, on comprend quel est le critère du mystique, on comprend pourquoi peut-être on ne peut pas s'en passer, mais il faut s'en donner aux critères. Pourquoi la mystique et laquelle ? Merci Frédéric, pardon, je vous ai coupé la parole. Votre chronique est à réécouter sur le site de France Culture à la page du pourquoi du comment. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Jules Barbier qui a préparé cette émission, Carla Michel, Manon de la Selle, Antoine Ravon, Adèle Vendrette, Anaïs Isbert avec Louise Andréa Salomé à la réalisation et à la prise de son aujourd'hui d'Aliya, Bernard Gabé à la lecture des textes. Si vous voulez écouter cette émission et toutes celles d'ailleurs sur l'échec de nos philosophes, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philo ou sur l'application Radio France. Et rendez-vous demain pour notre émission du vendredi sur les objets inattendus de la philosophie et demain, nous parlerons circulation, conduite, voiture. J'espère que vous serez sur le chemin pour retrouver votre famille, pour fêter le réveillon. Et ce sera avec Matthew Crawford.